De l'Asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz ou en streaming sur internet à partir du blog asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/redman. Je propose d'attaquer cette semaine avec monsieur Laurent Gérard alias LG qui est actif depuis une bonne quinzaine d'années dans le domaine de l'électronique et de la chanson psychopathe. On va écouter d'ailleurs un titre qu'il est tout particulièrement boom ambigu. Et monsieur Laurent Gérard, alias LG, jouera au Festival Câble Nantais numéro 9, 9e édition, qui aura lieu les 18, 19 et 20 février prochains. Donc c'était un peu l'occasion pour démarrer avec ce monsieur. Ils joueront aussi notamment le poète sonore Damien Schulz, les noiseux assez fracassés Lucas Sabella, Justice Yellman avec ses plaques de plexiglas, également Mike Majowski, le contrebassiste d'origine australienne qui sera sans doute un solo, ainsi que Seiji Murayama, Rien Virgule, Prune Béchaud, Eric Lacasa, Claire Bergerot. Vous avez plus d'informations bien évidemment sur le site du festival câble.org. Voilà, on va attaquer avec donc une vraie chanson pour danser qui s'appelle Boom Ambigu, et j'imagine que c'est ce qu'on écoute de nos jours dans les soirées des Jones. On écoute LG dans l'asile le plus sûr. The people, I'm not going to do that. Oui, il y a des périodes comme ça où il faudrait que les gens s'arrêtent de mourir. Voilà, donc on écoutait bien évidemment Monsieur David Robert Jones, alias David Bowie, avec un extrait du premier volet de sa trilogie berlinoise, le fameux album L'eau qu'il avait enregistré vers 1976. Il avait 30 ans à l'époque, ça a 30 ans. Cette musique de Bowie, en compagnie bien évidemment des synthés assez maladifs de Brian Eno. Ils étaient partis se ressourcer du côté de l'Allemagne et de la musique électronique cosmiche de l'époque. Ils avaient beaucoup écouté Neu, par exemple, Kraftwerk, Cluster et un peu tout ce qui se passait en Allemagne à cette époque. C'est britannique et donc une histoire de marin dans la neige avec ce titre Some Are, qui est un bonus en fait de L'eau qui figure sur certaines éditions CD, notamment celle de Ricodisc, un titre que j'ai toujours assez aimé, je dois dire, notamment grâce aussi à ces sons ambiantes produits par le Synth White Duke. Bon, j'avais hésité aussi à vous passer un titre assez bon clin d'œil vis-à-vis de l'Asylopussure, I Am Deranged, extrait de ce Outside qu'il avait enregistré au milieu des années 90, qui aurait été un peu plus sautillant, avec des rythmes un peu drum and bass, un autre titre que j'aime beaucoup, I Am Deranged. Mais voilà, donc ce Some Are fera fera très bien office. Et juste avant David Bowie, on écoutait LG, monsieur Laurent Gérard, non pas sur un de ses disques publiés dans le commerce, à l'image de l'album La Chimie qu'il avait fait paraître il y a de ça 2 ans et demi par exemple, mais sur un titre qu'il a posté sur internet. Je crois que c'est disponible notamment sur son SoundCloud, ce titre assez fracassé, Boom Ambigu. LG, qui est la moitié du duo Opéra Mort et qui réside, je crois, toujours du côté de Bruxelles et qui sera donc à Nantes au festival Câble le mois prochain. Ce sera entre le 18 et le 20 février. On va continuer avec une formation britannique que j'écoute de temps à autre, et notamment quand elle sort des disques aussi bons que ce double album Eye of the Storm, Two Coins in the Fountain. Il s'agit du groupe de Brighton, Hamilton Yarns, qui est un combo assez méconnu, plutôt dans le registre un peu post-Syd Barrett, avec des textes assez cryptés, des instruments jouets, du piano, du violon, et puis pas mal d'autres choses. On pense aussi beaucoup à Robert Wyatt. Alors, c'est principalement 3 musiciens, Hamilton Yarns, Ian Paxson, Alistair Strachan et Richard Herring, et ils sont en compagnie d'une cohorte d'amis à eux pour renforcer les rangs. Et je propose d'écouter ce dernier album qui est sorti à la rentrée dernière, la rentrée du mois de septembre, et on va écouter le titre extrait de cet album de Hamilton Yarns, Forget Things. Thank you. L'asile le plus sûr, une séquence so british qui a démarré avec Hamilton Yarns, un groupe qui a déjà une bonne quinzaine d'années et autant d'heures de vol, le groupe de Brighton qui a publié un bon petit paquet de disques, une quinzaine d'albums au total, toujours sur leur étiquette Hark Records. Alors c'est assez peu facile à obtenir, j'imagine, à part aller les acheter directement sur leur site, très peu distribué la musique de Hamilton Yarns. Et ce Eye of the Storm, Two Coins in the Fountain, qui est un double CDR. Et on a enchaîné leur musique avec celle de This It, le fameux combo britannique qui a existé depuis le milieu des années 70 jusqu'à 82-83, qui voit leur musique rééditée en vinyle ce mois-ci grâce au bon soin du label Light in the Attic, qui réédite l'intégralité de leur discographie. Et là on entendait bien évidemment le premier opus qui était sorti en 1979, album éponyme, le fameux disque qu'on appelle souvent le Blue and Yellow, qui était sorti sur Piano Records, le label de David Cunningham. Et ça a été réédité à pas mal de reprises, notamment Atem avait édité ça aussi pour la France au début des années 80, Rock Trade évidemment, et Ziz Records, qui était aussi une subdivision de Recommended, avait réédité ça en CD, mais je crois que ça, c'était plus disponible depuis Belle Lurette en vinyle. Donc ruez-vous sur la discographie de This It si vous ne connaissez pas la musique de ce trio de free rock expérimental. Et deux des rescapés de This It joueront aussi à Londres le mois prochain pour deux jours au Café Auto, Charles Bullen et Charles Eward, qui sont les survivants du groupe This It, le troisième Gareth Williams, qui était le bassiste et aussi claviériste, est décédé dans les années 90. Voilà donc le groupe défunt This It, et on va continuer là encore avec un anglo-saxon et monsieur Richard Youngs, le folk plutôt dans l'acid folk depuis le début des années 90, mais pas que, aussi dans l'expérimentation sonore sous toutes ses formes. Il joue tout autant du shakuhachi que des performances sources à partir de papier froissé, par exemple. L'an dernier, avait vu une très belle réédition de ses frasques sonores sur le label VHF Records, un coffret de 7 disque qu'on vous avait pas proposé d'ailleurs, vu la durée des pièces principalement. Il s'agissait de titres qu'il avait sortis sur son propre label No Fans ces 20 dernières années. Lui qui édite pas mal de choses de manière underground sur son propre label et qui signe aussi assez régulièrement sur des labels officiels, à l'image de ce Inside the Future qui vient tout juste de paraître. C'est sorti fin d'année 2015 sur le label Glass Redux, et là on le retrouve principalement dans son registre folk assez mélancolique, avec un côté aussi un peu wyattien. On écoute Richard Youngs. And everything's out in this sacrificial swept world. The fuckers in the afternoon listen to the full hopeless position with 100,000 hopes waiting for a deeper understanding in the afternoon. I'm reading a book, running the system with a well-known theory. This is the eternal square parade. I keep most company, I correct my thoughts with certain variations. It's all been told. It's all been told. It's all been told. It's all been told. It's all been told. It's all been told. Thank you. Séquence de pure folk, enregistré in situ. Ça s'entendait sur l'antenne du 94 MHz. On a démarré avec Richard Youngs qui lui vit du côté de Glasgow. On l'appelle souvent le barde ou le chaman de Glasgow vu sa façon de déclamer ses textes. Et donc un disque Inside the Future sorti en CD à la fin de l'année 2015 sur étiquette Glass Redux, qui nous fait pas mal penser à ce qu'il produisait au milieu des années 2000, à l'époque des disques Autumn Response et autres Summer LED, tous les disques qu'il publiait à l'époque sur étiquette Jaguar, lui qui sort aussi pas mal de disques de musique électronique assez inventifs ces dernières années, monsieur Richard Youngs, qui je crois est toujours libraire à Glasgow. Et on a enchaîné sa musique avec celle de la guitariste américaine Marissa Anderson, qu'on avait pu découvrir à l'occasion d'un festival qu'avait organisé notre ami Jeff de Youpsa. C'était à la salle de la cité il y a de ça 2 ans. Marissa Anderson, guitariste plutôt dans le registre assez classique américain, totalement instrumental. Et on la retrouve là sur un split en compagnie du guitariste originaire du Bhoutan qui vit en Caroline du Nord, Taji Dorji. Et comme on vous a pas mal passé sa musique ces derniers mois dans l'asile le plus sûr, on s'est dit qu'on allait plutôt vous proposer l'excellente face de Marissa Anderson sur ce split 33 tours publié par Footfalls Records Thoughts. C'est sorti aussi fin 2015 et on a enchaîné avec une nouveauté 2016 et la musique d'un guitariste originaire du Maryland, assez peu connu. C'est un guitariste 12 cordes, Anthony Pasquarosa, et c'est une galette publiée par l'excellente étiquette Vin du Select Qualité, qu'on appelle souvent par l'acronyme VDSQ, et qui est le label dont s'occupe depuis quelques années monsieur Steve Lowenthal, qui est aussi un amateur de guitare, puisque son label Vin du Select Qualité est totalement consacré au solo acoustique guitare. Il avait déjà publié un premier disque de Anthony Pasquarosa en 2014, également des disques de Thurston Moore ou encore de Alan Licht. Il y a eu une nouvelle parution par monsieur Alan Licht, qu'on a plutôt l'habitude d'entendre dans des registres assez noise, souvent aux côtés des gens des anciens Sonic Youth. Et Alan Licht s'est fendu d'un disque totalement acoustique sous le titre Currents. Il y a aussi souvent Glenn Jones, Richard Bishop, Bill Orcutt, ce genre de personnes sur le label Vin du Select Qualité. Et celui-ci donc s'intitule Morning Meditations, titre très approprié pour la musique assez spirituelle de monsieur Anthony Pasquarosa. On va continuer avec une musique totalement différente. Il s'agit de celle du trompettiste et électroacousticien d'origine polonaise Kamil Zukiewicz, que j'ai découvert très récemment à l'occasion d'un disque qu'il vient de sortir sur l'excellent label consacré aux expérimentations contemporaines Bolt, qui est souvent d'ailleurs couplé à Monotype Records. L'album s'intitule Robo Sarek. Et donc monsieur Zukiewicz est quelqu'un qui produit tout autant des disques d'impro ou jazz contemporain que ce genre de continuum électronique assez inventif. Là, il s'agit d'un disque avec un libretto. Alors, c'est totalement en polonais, donc n'essayez pas de comprendre les textes, mais la musique est fort sympathique. Musique très inventive, électronique, avec des spoken words. Ça me fait pas mal penser à une sorte de Robert Ashley de Varsovie. Et on va écouter le titre Pristanek, extrait de ce disque de Kamil Zukiewicz, qu'on écoute tout de suite dans l'asile le plus sûr. Na przystanku jest ich trzech takich samych. Cieszę. Na przystanku jest ich trzech takich samych. Cieszę. Trzech takich samych. Cieszę. Na przystanku jest ich trzech takich samych. Muszę uciekać. Jeden mnie łapie za ręka. Nie mogę go uderzyć. Tak mam napisane w kodzie. Pac-Man napisane w kocie. Muszę uciekać. Jeden mnie łapie za rękaw. Nie mogę go uderzyć. Pac-Man w kocie. Muszę być mój dla ludzi. Muszę być wierzyć. Śpiewam, że ten mnie puści. Pac-Man w kocie. Muszę być mi dla ludzi. Pac-Man w kocie. Śpiewam, że ten mnie puści. Śpiewam, że lud mnie puści. Śpiewam, że mi mógł było miło. Muszę być wierzyć. Uciekam, śpiewam, uciekam, uciekam. Séquence d'ambiante dans l'Asile le plus sûr. Tout d'abord, un disque qui n'était pas tellement ambiante, celui-ci, Camille Souskiewicz. Les playlists sur le site asile35.blogspot.fr pour ces noms que je n'arrive à peine à prononcer, vu le nombre de Z, de K et de W. Camille Souskiewicz, qui est un Polonais qui joue de la trompette et qui produit des disques aussi de musique électronique ou électroacoustique, comme ce robot Sarek qui est entièrement un mélange de cut-up de voix, un côté un peu poésie sonore mélangé à l'électronique, et c'est sorti en CD il y a ça quelques mois sur étiquette Bolt Records. Il y a d'ailleurs aussi une version cassette pour les plus téméraires. Il y a peut-être 30 exemplaires dans le monde entier sur Wounded Knife, et c'est le deuxième ou troisième disque qu'il produit coup sur coup, ce Camille Souskiewicz. Donc je vais me ruer sur les précédents. On a enchaîné avec le duo Arbre du Ténéré, qui, contrairement à son nom en français, est un duo italien, guitare et électronique, dans lequel on retrouve le fameux Maurizio Abate, qui joue dans quantité de projets un peu free, un peu psychédéliques, expérimentaux, notamment aux côtés de mademoiselle Virginia Genta, la saxophoniste free, et Giovanni Donadini, qui lui doit être plutôt à l'électronique. Et c'est un disque qui est sorti sur étiquette Holidays Records très récemment, sous le titre La Pelle della Fantasma, qui est plutôt pas mal, toujours dans le registre un peu de l'occultisme psychédélique italien contemporain. Holidays Records, qui est très actif en ce moment, puisqu'ils viennent de sortir aussi un excellent double album du combo de free psyché turc Construct, en compagnie de Peter Brotzmann, ou encore un nouveau disque de monsieur Joey McPhee en trio et aussi en double album. Donc on aura l'occasion de vous passer ça dans les prochaines semaines. Et juste à l'instant, en troisième partie de séquence, c'était un projet totalement dada et bizarroïde sous le nom de Fossil Aerosol Mining Project, qui est un peu un side project des gens de Soviet France. Il y a un long compagnonnage avec ces musiciens depuis le début des années 80, donc un peu comme Soviet France, des choses un peu bizarroïdes, dada, avec beaucoup de sons trouvés, de collages, de voix qui murmurent des choses assez épouvantables, de bruits de radio et donc autres bandes assez mystérieuses, à l'image de ce disque The Day 92 Contaminated 1971, qui vient tout juste de sortir sur l'excellent label américain Ellen Scarsdale en vinyle. C'est sorti à la fin du mois de novembre, et bon, c'est un peu à l'image de tout ce qu'ils peuvent produire, donc une musique qu'on nous dit à partir de bouts de bandes de films retrouvés, voilà, donc des années 70 et des années 80, qu'ils ont mis bout sur bout, avec donc des voix venues d'on ne sait où. Un disque assez mystérieux, assez dur à écouter, je dois dire, mais plutôt intéressant, ce Fossil Aerosol Mining Project, The Day 92 Contaminated 1971. Bon, on va continuer avec un nouvel hommage, et cette fois-ci, hommage au pianiste d'origine canadienne Paul Blais, qui lui aussi a cassé sa pipe en ce début d'année. Il est décédé à l'âge de 79 ans, en ce 3 janvier. Il était un peu de la même génération que Ornette Coleman, donc il a suivi de quelques mois, lui qui avait joué dans son quintet. Ornette Coleman avait joué dans le Paul Blais Quintet vers 1958, lorsque Coleman était sur la côte ouest. Paul Blais a une carrière très très volumineuse. Alors, je ne savais pas trop quoi vous passer. Je vous aurais bien passé des disques synthé analogiques avec son ex-compagne Annette Peacock de la fin des années 60, début des années 70, mais mon choix s'est arrêté sur un disque que j'avais beaucoup aimé à l'époque de sa sortie, en compagnie du contrebassiste Bar Phillips et du saxophoniste Evan Parker, sous le titre Sankt Gerold Variations, un disque qui fut enregistré en avril 1996 au monastère du même nom, basé en Autriche, un disque qui était sorti un peu plus tard, en 2000, sur le label ECM, donc un must de l'improvisation en trio, et monsieur Paul Blais avec son piano forte et parfois aussi dans l'intérieur du piano. On va écouter une longue pièce, alors je crois que c'est la pièce qui démarre, que je vous ai calée, oui c'est ça, donc la Variation Number 1, extrait de ce Sankt Gerold Variations d'Evan Parker, Bar Phillips et feu Paul Blais. Ha ha ha ha! Gerold Variations, un excellent disque du regretté pianiste assez feutré mais aussi fort fort intéressant dans l'improvisation et dans la recherche sonore, le regretté Paul Blais, qui a cassé sa pipe à 83 ans. Je vous disais 79, mais non, il était un tout petit peu plus âgé, mais de la même génération que monsieur Ornette Coleman. Il a joué en compagnie de deux musiciens qui eux sont bien en chair et en os, Evan Parker et Bar Phillips, qui continuent à se produire et à jouer très très régulièrement. Plusieurs annonces concerts avant de se quitter. Un excellent festival autour de l'Arménie pris du côté de la musique, avec ce qui va donner évidemment l'occasion d'entendre du doudouk la semaine prochaine. Ce sera donc entre le 20 et le 30 janvier, avec des concerts un peu partout, entre les Champs Libres, Chapelle du Conservatoire Conservatoire, MJC Bricchini et autre bibliothèque du Tabor, Lucien Rose. Vous avez le programme un peu partout en ville de cet excellent festival où on pourra entendre du doudou, qui est aussi une conférence autour de cet instrument à hanches doubles, le plus vieux de l'humanité. Voilà également un excellent festival de musique contemporaine cette semaine à Rennes sous le titre In Situ. C'est la deuxième édition. Ça aura lieu entre le 14 et le 17 janvier avec quatre soirées-concerts. Jeudi prochain, 14 janvier, au Musée des Beaux-Arts avec un duo violoncelle électronique. Également vendredi 15 au Musée de la Danse, un parcours piano, boîte à musique et voix par le compositeur allemand Tom Sora. Un week-end assez chargé aussi avec samedi 16 à la Criée. Alors là, ce sera dans l'après-midi entre 14 et 18 heures. Différents solistes, trois au total. Le guitariste Manuel Adno, le contrebassiste Louis-Michel Marion et Tomoko Sauvage avec ses installations préparées, sonores assez indescriptibles. Et dimanche, le festival se terminera avec une après-midi, fin d'après-midi entre 17 et 19 heures au Frac Bretagne avec deux musiciens électroniques, percussion et clavier, l'ensemble Lynx. Vous avez plus d'informations sur le site autremesure.wix.com. Également ce week-end, une soirée nettement plus rock'n'roll au Marquis de Sade organisée par l'association Kervignou. Ça jouera à partir de 21h rue de Paris avec de la Novo Wave, Baladur et Docteur Lamort. Voilà, on va se quitter dans un instant avec un dernier disque. Le temps de vous rappeler que l'intégralité de cette playlist est disponible sur le site asile35.blogspot.fr ou du mixcloud.com/Renman. Et un drone spectral et lunaire en hommage à ce fameux The Man Who Sold the World. Juste après donc ce drone de 73 minutes du duo Blast, qui est un duo dans lequel on retrouve l'électroacousticienne qui vous joue beaucoup d'instruments et de sons préparés, Lali Barrière, qui est basée à Barcelone et qui joue assez régulièrement aux côtés de Ferran Fages et qui est aux côtés d'Alfredo Costa Montero, qu'on connaît notamment pour différents disques à la guitare. Là, ils sont tous les deux au synthétiseur analogique dans un registre cosmique lunaire. Le projet s'appelle Blast et on va écouter un extrait de ce From One Coordinate to Uncoordination. C'est sorti sur Caduct Records. Excellent disque de drone. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine. Zadzwonił on też wiedzą. Udają, że nie wiedzą. Ale ja to widzę. Udaję, że nie wiedzę. Udają, że nie wiedzą. Udaję, że nie wiedzę. Udaję, że nie wiedzę. Wstawaj. Udają, że nie wiedzą. Udaję, że nie wiedzę. Udaję, że nie wiedzę. Udaję, że nie wiedzę. Udaję, że nie wiedzę. Jeden podchodzi, mówi bilet, poproszę bilet. Poproszę bilet. Mówi dwa razy, żeby oni nie zrozumieli. Oni nie rozumieją. Dziękuję mu. Dziękuję mu dwa razy. Oni nie rozumieją. Daję mu zdjęcie mojej córki. Mówię dwa razy. Mówię dwa razy, oto bilet, oto bilet. Mówi, że przejadamy. Ja mówię, pan jest dobrym człowiekiem, pan jest dobrym człowiekiem. Dwa razy. Mówi, że wysiadamy. Ja nie wiem, panie, pan jest dobry człowiekiem. Pan jest dobry człowiekiem. Mówi, że wysiadamy. Pan jest dobry człowiekiem. Pan jest dobry I'm to the pass of day and lay aside the boredom and lay aside the 20th century and lay aside an entity and lay aside my identity and lay aside the season and lay aside nothing and lay aside this feeling and lay aside something and lay aside the sound and lay aside the sleep and lay aside the boredom and lay aside the city and lay aside the navigation and lay aside perambulation for me and the boredom and me and the century and me and an entity and me and an entity and me nothing and me and feeling and me and something and me and the sun me and disorder and me and the wonder and me and sleep and me and boredom and me and the city and me and lay aside the hour and lay aside the ancient and lay aside the night and lay aside completion and lay aside the cause and lay toward me and lay in the light and lay aside the hour and lay aside the hunger and lay upon me and lay like before and lay aside the return and lay aside eternity and lay aside the hour just lay aside the hour just lay aside the lay just lay aside the lay just lay aside the lay just lay aside the range of every day, the range of every day, not being alone, and not being alone, the lay of the sun ray, the lay of the sun ray, wandering round home, wandering round home, and I say no words, what else can I say? Dimension of the day, real in the school of time, tense in the space, traced along the line. Lay aside the hour, and lay aside the ancient, and lay aside the night, and lay aside completion, and lay aside the cause, and lay toward me. And lakeside completion and lakeside cause and let's invite me. Thanks, good night.